un pincement au cœur dans le désert des heures, le bruit d'un ascenseur, la bizarre rumeur. Et le monde commence en prélude à la danse, un visage lumière, le sang qui accélère, et quelques mots informes dans un silence énorme, gestes incohérents, quelques rires en passant, et pour combler le vide, un verre que l'on vit. Et pour combler le vide, un verre que l'on vit. Un frisson dans la nuit, un vertige, une envie, une flambée de chaleur, une étrange douleur. Le corps qui se délivre de son désir de vivre, et soudain qui s'effondre et bascule dans l'ombre. Deux ou trois mots informes dans un silence énorme, gestes incohérents, quelques rires en passant, et pour combler le vide, un verre que l'on vide. Et pour combler le vide, un verre que l'on vide. Un océan qui roule, des torrents et des foules, un horizon penché, un lit pour se coucher. Et la mer se retire en portant le navire, nous laissant tout mouillé sur un sable argenté. Deux ou trois mots informes dans un silence énorme, gestes incohérents, quelques rires en passant, et pour combler le vide, un verre que l'on vide. Et pour combler le vide, un verre que l'on vide.